Hurlement de ceux déconcertés par la puissance de la corrective. Voici un commentaire du quotidien coréen Rodong Sinmun de jeudi. Un spécialiste de la défense nationale américaine a dit que deux satellites de la Corée du Nord volent au-dessus du territoire américain, que s'ils frappent directement les États-Unis en dehors de l'orbite ou s'explosent en l'air, ils pourraient émettre des ondes électromagnétiques puissantes susceptibles de couper court le réseau national de l'électricité et que des contre-mesures américaines font les pas de tortue. Il s'agit des absurdités dénaturant la réalité, comme si les satellites peuvent tomber sur le sol américain à tout moment en bombe nucléaire. C'est une rumeur malhonnête que seuls ceux invétérés du refus et de la confrontation avec notre pays peuvent inventer. Ce qui est clair, c'est que ceux qui mettaient en cause dans le passé la soi-disant menace de la Corée du Nord reconnaissent maintenant nos satellites lancés dans l'espace cosmique. Les démarches hystériques des gentilshommes américains s'affairant à étrangler la République populaire démocratique de Corée sans distinguer le satellite de l'ogive nucléaire font entendre les hurlements désespérés, apeurés par la puissance redoutable de la Corée du Sud, puissance nucléaire et cosmique d'ordre mondial.